Divers pays ont rapporté du 4 au 9 courant les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. Les agences de presse TASS et RIA Novosti et la radio Sputnik de Russie, le journal Dagon Baon, la télévision satellitaire finnoise de Hong Kong et le réseau radio international de Chine ont fait part que le maréchal Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec les délégués aux cérémonies du 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée. Et assister à la représentation artistique d'ensemble des élèves sous thème « Nous n'avons rien à envier dans le monde ». Le journal sénégalais Le Populaire a écrit que le maréchal Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec les délégués aux cérémonies du 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée, alors que la page internet de l'association d'amitié Baek-Tusan Tchèque Corée a informé de son inspection des chantiers de construction de la fabrique de l'oxygène sanitaire. Le homepage internet du Comité national d'études des études justes du Congo démocratique a fait part de l'inspection par le maréchal Kim Jong-un de la savonnerie de Léon Arsen en construction et de la colonie de vacances de Mangyongdae réaménagée. Et le homepage internet du Comité national nigérian d'études du kimilsonisme Kim Jong-lisme a ajouté son inspection de l'usine des équipements et matériels de sport de Pyongyang nouvellement construite. Les mass-médias ont présenté les photos du maréchal coréen.